Le corset, pour moi, c'est avant tout un atout féminin. Oui. C'est avant tout du peau à peau. C'est avant tout accompagner le corps dans ce qu'il a de plus intime. Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Demain de Maître, l'émission qui vous invite à voyager dans les ateliers des artisans d'art. Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg, dans l'atelier de Claire Brandin, qui est costumière de formation, mais également corsetière et créatrice de vêtements sur mesure. Bonjour Claire Brandin. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous dans votre atelier à Strasbourg. Je vous en prie, bienvenue. Alors vous êtes corsetière notamment. Vous créez des serre-tailles, des guêpières, des corsets. Est-ce que vous avez une idée, une estimation de combien de corsetières il existe en France, et notamment en Alsace-Lorraine? Alors, l'estimation tourne à peu près autour d'une petite quinzaine pour la France entière. Dans ma région, on est à peu près 3, donc Alsace-Lorraine inclus. Hein. Depuis combien de temps êtes-vous installée ici, en Alsace? Ma boutique est ouverte depuis maintenant 5 ans. Et auparavant, en fait, je travaillais à mon domicile en tant que costumière. Et le métier de costumier ou costumière pour vous, petite, est-ce que vous saviez ce que c'était? Oui, parce que ma maman travaillait au Théâtre National de Strasbourg, donc je traînais dans les couloirs des ateliers de costumes, donc j'ai connu ça petite. Donc vous avez eu le virus très tôt, j'imagine. Comment est-ce qu'on passe du costume au corset? En fait, il y a pour moi un lien évident qui est l'histoire. Le costume est quand même très ancré dans l'histoire du vêtement. Quand on fait des costumes de scène, on se base beaucoup sur tout ce qui a été créé à travers les siècles. Donc on a besoin d'étudier l'histoire du costume, on a besoin d'étudier les coupes. Et donc à travers ça, le corset a une part importante, puisque les femmes ont porté des corsets pendant des siècles. Donc c'est un élément important du costume de scène qu'on apprend à travailler. Et une pièce que j'aimais beaucoup. Donc le lien, il vient vraiment de là, c'est-à-dire il a pris sa source pour moi dans l'apprentissage de l'histoire du costume. Et on a l'image, alors certes un peu ancienne, que le corset étouffe ou étouffait du moins la femme au sens propre comme au sens figuré. Et vous, au contraire, avec vos créations, vous en faites l'éloge. Je vous cite, « Le corset est un hymne à chaque corps de femme, à chaque personnalité. » Vous pouvez nous expliquer ? Oui, avec plaisir, parce que c'est un sujet qui, effectivement, revient souvent. On a, dans l'inconscient collectif, une image négative du corset qui contraint des femmes qui avaient obligation de porter un corset au quotidien, tous les jours, et pendant une petite période de l'histoire du corset, il a été très contraignant. La fin du 19e siècle, au début du 20e, le corset était très très serré. Et c'était même la mode de se serrer au maximum. Donc on a abandonné le corset peu de temps après, et c'est la dernière image qui est restée de la corsetterie. Il faut savoir, parce que des fois on l'oublie, que le corset est en fait l'origine de la lingerie féminine. D'accord. C'était un sous-vêtement. Il était prévu pour porter la poitrine, pour soutenir le dos et accessoirement, pendant tout un temps, pour aussi affiner la silhouette, donner un galbe, valoriser aussi le corps féminin. Mais c'était un accessoire de lingerie féminine qui, en fait, a évolué avec le temps et passé du corset à la gaine, donc où on est descendu. Et puis en fait, après, de la gaine au sous-vêtement actuel, le soutien-gorge, qui est construit exactement comme un corset, avec les mêmes techniques, des baleines, comme on a en corsetterie. Le corset, pour moi, c'est avant tout un atout féminin. Oui. C'est avant tout du peau à peau, c'est avant tout accompagner le corps dans ce qu'il a de plus intime. Et même si je l'utilise et je le crée principalement comme vêtement de dessus, et non plus comme lingerie, même si ça m'arrive de faire aussi encore des corsets de lingerie féminine, il valorise la silhouette, il l'accompagne, il respecte le corps et il le valorise, donc c'est vraiment un atout féminin. Vous tenez vraiment à respecter la morphologie de chacune et la personnalité de chaque femme, c'est ça? En fait, pour moi, c'est fondamental, parce qu'on touche au corps, au plus près, on le lasse, on le maintient avec des baleines qui sont faites en métal, On est obligé de connaître la morphologie, on est obligé de la respecter pour que ce soit confortable, alors que souvent on pense qu'un corset est inconfortable. Mes clientes me disent toujours que les corsets sur mesure que je fais sont confortables et c'est pour moi une priorité. Il faut pouvoir bouger, il faut pouvoir respirer. Évidemment, c'est pas du tissu extensible, évidemment il y a une tenue, il y a une contrainte. Mais malgré la contrainte, il y a du confort si il y a une maîtrise de la coupe, donc une maîtrise du corps, une maîtrise de la technique. Donc j'imagine qu'il y a une sorte d'entretien préalable avec la cliente, un échange qui vous permet, vous, de mieux connaître les attentes et le corps de la cliente dans tout ce qu'elle est. Oui, en fait, les clientes qui viennent à l'atelier ne viennent pas me voir par hasard. Faire la démarche d'aller chercher quelqu'un qui sait faire du corset sur mesure, c'est déjà avoir conscience de chercher quelque chose de très intime. Et se confier à quelqu'un, vraiment son intimité, confier son corps à quelqu'un, c'est avoir confiance en l'autre. Donc tout mon travail, c'est évidemment d'accompagner ma cliente dans cette démarche, de comprendre pourquoi elle vient me voir, quel est son objectif, si elle vient me voir pour un corset de mariage, si elle vient me voir pour un corset de scène, si elle vient me voir pour de la lingerie ou simplement pour retrouver une part de sa féminité. C'est à moi de cerner ses attentes. D'accord. Et du coup aussi de comprendre quel est son rapport à son corps. On a tout un rapport très personnel à son corps, la façon dont on le perçoit intérieurement et la façon dont on le perçoit extérieurement. Et le corset est le lien entre les deux. Donc il faut trouver ce qui met le plus en valeur la personne dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle attend. Personnellement, que vous inspire le corset ? Alors, c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, j'ai réussi à mettre le doigt sur ce qu'était le corset pour moi. Et je le résume en disant, c'est un vêtement symbolique. C'est pour moi le vêtement symbolique du féminin. Si je pousse un peu la réflexion un peu plus loin, je dirais que ce corset qui a été toujours porté sous contrainte et sous obligation, on était mauvaise fille quand on ne portait pas de corset, donc on portait toujours le corset. On peut aujourd'hui, après plusieurs décennies de libération de la féminité, se le réapproprier pour soi, comme on le souhaite, pour justement se réapproprier sa féminité, mais dans la liberté de le faire, dans une liberté de choix. Celles qui le font par choix. Je n'ai pas de cliente qui vienne me voir en me disant « je le fais parce que cela plaît à mon conjoint, je le fais pour moi ». Et donc c'est libérateur quelque part. Quelle remarque, quel compliment vous a le plus touché de vos clientes par rapport à la création d'un corset ? La remarque la plus forte qu'on m'a fait et qu'on me fait parfois, qui figure en fait comme résumé sur ma carte de visite, c'est « vous m'avez permis de révéler ma féminité ». Et c'est un très grand compliment quand on me dit ça, parce que c'est vraiment ce que j'essaye d'offrir à mes clientes. Qu'aimez-vous dans votre travail au quotidien ? Alors, il y a un ensemble de choses. Il y a, si on prend dans l'ordre du processus de création, entre le moment où on rencontre sa cliente et le moment où on livre le vêtement, ou le corset en particulier, les relations humaines, l'écoute d'une personne, accueillir quelqu'un que je ne connais pas, tout ce rapport humain, essayer de cerner sa psychologie, ses besoins, son corps, donc ça me touche beaucoup. Un aspect créatif énorme, c'est-à-dire on me confie la possibilité de créer quelque chose d'unique, puisque je crée toujours des pièces uniques, donc une grande liberté d'expression créative. Sur mesure. Sur mesure, oui, et unique toujours. Et puis toute la technique, l'aspect de précision, de détail, de choix des matières, c'est très technique comme métier. La corsetterie, c'est vraiment des millimètres accumulés les uns à côté des autres, donc ça demande une vraie précision, une vraie concentration, et j'aime beaucoup ça. Puis travailler à la main, je fais beaucoup de choses à la main, je couds beaucoup à la main, et j'aime les matières, j'aime coudre à la main, donc c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Quand vous dites j'aime coudre à la main, c'est-à-dire vous aimez toucher les matières, les ressentir ? Alors oui, j'aime toucher les matières, j'aime ressentir, mais j'ai un travail de costumière, et en costume, quand on travaille le costume, on fait évidemment les coutures principales à la machine, puisqu'on n'est pas dans la haute couture. Dans la haute couture, on fait toutes les coutures à la main. D'accord. Donc on fait les coutures principales à la machine, mais on fait les finitions à la main. D'accord. Donc je couds à la main beaucoup en fait. Je termine tous mes vêtements à la main. Et ce travail-là à la main, vous ne les changeriez pour rien au monde. C'est ça aussi qui fait un petit peu la saveur de votre métier. Ou est-ce qu'il y a autre chose encore que vraiment vous adorez? C'est très agréable de travailler à la main sur un vêtement, c'est vrai. Je trouve que ça lui donne une identité différente. Ça le rend plus souple, en fait. Il y a quelque chose dans la main qui est plus souple que dans la machine. Ça, c'est clair. Donc, j'adore ça. Il y a d'autres choses, évidemment. Je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans le rapport humain, etc., il y a d'autres choses que j'adore, ouais. Combien de temps estimez-vous à peu près le temps de fabrication d'un corset, de la rencontre avec la cliente jusqu'à la livraison finale? Alors, étant donné que je fais toujours des pièces uniques, c'est assez long. Il faut compter en moyenne entre 25 et 35 heures de travail sur un corset sur mesure, en incluant effectivement le temps de rendez-vous, les recherches iconographiques, les croquis, la création du patron, les essayages de toile, ce qu'on appelle la toile, hein, c'est un vêtement temporaire, le temps qu'on cherche à trouver la bonne forme. D'accord. La création, la réalisation et le rendu, en fait, hein, c'est long, il y a beaucoup d'étapes. Et vous avez à l'instant parlé de recherche iconographique, puisque en tant que costumière de formation, si j'ai bien compris, vous avez la possibilité de proposer un corset qui pourrait être utilisé dans un documentaire, par exemple, à une vérité historique, et également un corset de création qui peut être demandé par une cliente. Oui, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, il y a le bagage historique de toute façon qui est inhérent au corset, et c'est très intéressant d'aller voir ce qui s'est fait et de, par exemple, utiliser des brevets qui ont été déposés au 18e, au 19e siècle. Quand je fais du corset historique, de reproduction historique, ben, il y a beaucoup de documentation qui est faite pour aller voir dans les archives, dans les brevets, quelles sont les coupes, quelles sont les formes en fonction des époques. Et dans ce cas-là, je me dois de respecter au mieux la cohérence historique. Oui. Donc, c'est un travail de reconstitution à ce moment-là. Par contre, lorsque je crée un corset aujourd'hui pour une cliente du 21e siècle qui vient avec ses attentes personnelles, je suis dans un travail d'innovation. Malgré le fait que ce vêtement vient du passé et qu'il a quand même certains codes, il arrive de détourner les codes, il arrive de les réadapter, il arrive de d'innover des coupes, d'innover des formes, et ça c'est aussi passionnant. Vous avez à l'instant parlé de renouveler des codes. Est-ce que vous avez des exemples de corsets où vous avez réinventé des codes? Je pense que moi et beaucoup de mes consœurs corsetières avec qui j'échange, parce qu'on est aussi des fois dans l'échange de questionnements de cet ordre-là, il y a une approche intéressante de se réapproprier les matières, de se réapproprier les baleines, donc qui sont la structure de maintien des corsets, où effectivement on va utiliser par exemple du crin, ça se fait beaucoup en ce moment d'utiliser du crin, qui sont des matières qu'on utilise normalement pour les jupons, qui sont des matières transparentes, mais solides, résistantes et respirantes pour la peau quand elles sont en polyamide. Et donc on les utilise comme structure, par exemple, de corset qu'on veut très transparent. C'est des choses qui se font, auxquelles on réfléchit beaucoup. Et pour vous donner un exemple complètement différent, dans une approche plus de costume ou plus d'art plastique, j'ai réalisé des corsets en papier. Ah. Donc c'est aussi complètement différent. Et là, évidemment, on n'est pas sur l'idée de porter quelque chose au quotidien. On est sur l'idée d'un objet d'art plastique ou de costume de scène. Donc papier thermocollé par une toile pour le rendre plus résistant et travailler en corsetterie. Et ça, c'est aussi intéressant à faire. Et donc vous êtes corsetière et également vous faites des créations sur mesure. Est-ce que vous auriez quelques exemples? Oui, je peux faire énormément de choses en fait. Étant costumière, évidemment, je fais aussi de l'homme. Je peux faire des robes, je peux faire des manteaux. C'est assez vaste en fait. Hein. Des robes de mariée non corsetées. Je fais aussi des robes de mariée corsetées. Ça m'arrive parfois, quand je suis touchée par la demande d'une cliente, de faire un vêtement pour un enfant. En fait, je suis très sensible à l'humain, donc du coup, pour moi, c'est en fonction de la demande. D'accord. C'est vrai que le cœur de mon métier, ça reste le corset et le costume de scène, mais si quelqu'un vient avec une demande vraiment très personnelle, j'aime accompagner les gens, donc du coup, je vais essayer d'y répondre. Oui. Est-ce que vous avez parlé de commandes d'hommes pour les créations sur mesure, par exemple des pantalons, j'imagine, ou même pour des vêtements de mariage? Une question bête, mais je la pose quand même. Est-ce que vous avez eu des demandes pour la corsetterie, pour des hommes? Et oui. Ah. Donc ça n'est pas une question bête, en fait, oui. Alors, il y a plusieurs types de commandes masculines. Celle qui est venue le plus souvent, c'est pour des gilets baleinés qu'on appelle des Saint-Simoniens, qui viennent du 19e siècle et qui ont été beaucoup remis au goût du jour par un corsetier parisien qui en a fait sa marque de fabrique. Et c'est très élégant, c'est comme un gilet en fait, il faut imaginer un gilet, mais qui a des baleines en fait à l'intérieur. D'accord. Et qui est lacé dans le dos, oui. Sur un système d'œillets, donc comme pour les corsets, hein, le lassage dans le dos, qui est l'image qu'on a toujours du corset. Seulement, au lieu de réduire le tour de taille uniquement comme c'est le cas du corset féminin, mmh. On affine simplement la silhouette du buste dans son ensemble sans trop la contraindre. Et ça affine le buste masculin et c'est très élégant, c'est vraiment très sympa. J'ai des demandes de Saint-Simonien, surtout pour les mariages. D'accord. Et autrement, il m'est arrivé de faire des corsets pour hommes, plutôt pour la scène, pour du transformisme. Par exemple, des hommes qui souhaitaient affiner leur taille vraiment pour par-dessus ajouter une robe pour se transformer en silhouette féminine. Ou alors pour du spectacle, certains hommes qui peuvent avoir envie d'avoir des corsets. Je pense à un client qui m'a commandé un corset en cuir et qui est quelqu'un qui est cracheur de feu et qui voulait avoir des accessoires accrochés sur ce corset. Et voilà, ce genre de commandes un peu particulières qui sont entre le sur-mesure, le costume de scène. Enfin, il y a une passerelle entre les deux. Et quelle, pour vous, a été la commande la plus extravagante, la plus folle ? En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que finalement, je ne sais pas si je m'identifie à l'extravagance dans ma façon de travailler. J'ai du mal à y répondre, à vrai dire. Je ne sais pas trop. Quelle commande vous a le plus touchée, personnellement ? En général, toutes les commandes me touchent. Je me laisse beaucoup investir, ouais, je m'investis beaucoup des autres. Mais tout récemment, encore un peu autre chose que ce que j'ai décrit par rapport au corset, c'est encore un cas particulier, puisque par ailleurs je donne des cours, je forme des gens et je transmets mon savoir de corsetière. J'ai accompagné une cliente qui avait un peu d'expérience en couture et qui souhaitait réaliser son corset de mariage et donc sa robe de mariée sans en avoir les techniques. Donc elle est venue à l'atelier et je l'ai formée et je l'ai accompagnée du début à la fin dans la conception de son propre corset de mariage. J'en aurais presque les larmes aux yeux parce qu'en fait elle était extrêmement touchée d'avoir réussi à atteindre son objectif, d'avoir réalisé son corset en venant à l'atelier. Elle m'a invitée à son mariage. Ah. Je suis allée à son mariage et puis elle m'a serrée dans les bras en me remerciant de lui avoir permis ce moment. Et c'était très, très touchant. Et on l'entend, c'est plus qu'un métier pour vous. C'est une passion et c'est avant tout une histoire de personne. Oui, c'est très porteur de sens. D'où vous vient votre inspiration ? Parce que vous faites du sur-mesure, vous faites beaucoup de créations. On va peut-être justement s'approcher vers des créations que vous avez faites. Est-ce que vous pouvez d'abord décrire celle qui vous parle le plus pour les auditeurs et ensuite nous dire d'où ça vous est venu, cette inspiration ? Là, si vous voulez, je peux éventuellement vous décrire ce que j'ai dans ma vitrine parce que c'est trois éléments. J'ai une robe qui est un costume de scène que j'ai réalisé pour une effeuilleuse burlesque, qui est donc quelqu'un qui fait du spectacle burlesque, qui est en toile de Jouy avec des franges, et c'est une robe dont les éléments s'enlèvent progressivement. Elle a une traîne, elle a des franges sur les épaules, et tout s'enlève au fur et à mesure. Et en fait, là, pour le coup, c'était vraiment une demande de ma cliente de se faire réaliser un costume de voyante, en fait, un peu bohémienne comme ça. Et donc, je me suis beaucoup inspirée de sa demande, de son univers, de ce qu'elle voulait faire. Au milieu, il y a de la lingerie. C'est en fait un soutien-gorge que j'ai réalisé avec un serre-taille dans un univers très lingerie, avec de la dentelle, avec du satin, dans les tons roses. La lingerie, parce que j'en réalise aussi, hein, donc des soutiens-gorge et des culottes corsetées, ce que j'appelle des culottes corsetées, sont des pièces que je crée dans l'idée du couple, dans l'idée d'être ensemble, d'être à deux, de faire pour l'autre. Je trouve qu'il y a quelque chose de ludique dans le fait de lacer et délacer un corset ou de la lingerie, et pour moi c'est vraiment le faire avec l'autre et pour l'autre, donc on partage. Ouais, c'est vraiment dans l'idée de créer. Souvent le corset c'est une demande très intime, et là j'avais envie aussi dans la lingerie, donc soutien-gorge et culotte et corset de lingerie, de parler de l'autre, de dire que c'est aussi une relation à deux. Et ensuite, dans la vitrine, on a encore un vêtement qui est en ubuc, une grande jupe avec une manche. En ubuc, c'est-à-dire ? Pardon, c'est de la peau, en fait, c'est une espèce de cuir. On retrouve le nubuck sur les chaussures, des fois, en croûte de cuir. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est une peau un peu croûte, en couleur croûte, donc là, on est en bordeaux, avec un corset et une manche aussi en nubuck bordeaux. Et c'est un costume, en fait, que j'ai réalisé pour une exposition sur le thème de l'Amazone, où je travaille, en fait, sur les archétypes féminins. Donc j'ai réalisé des vêtements, j'ai écrit des textes pour des archétypes féminins, donc ça c'est la femme amazone. Et le corset en papier dont je vous ai parlé tout à l'heure faisait partie de cette exposition, et c'était la femme marionnette. Alors là on continue notre voyage en atelier, et puis on se trouve devant une grande table en bois avec du tissu. Vous pouvez peut-être le décrire à ma place, vous aurez mieux les mots que moi. Alors en fait là aujourd'hui sur la table il y a des toiles. Ce sont des corsets en cours qui sont réalisés dans un tissu de coton simple qui permet de faire des essayages sans passer directement dans la matière finale. D'accord. Donc ils sont prêts à être essayés. J'ai en face de moi une toile de corset pour un mariage, pour un corset de mariage. C'est la deuxième toile que je réalise, donc j'ai fait un premier essai. J'ai fait un essayage qui a donné lieu à des épinglages, des modifications, un ressenti de la cliente par rapport à la coupe, par rapport aux sensations. Et en fonction de ça, j'ai fait des modifications et j'ai réalisé une deuxième toile, donc qui sera essayée la semaine prochaine. J'ai aussi de l'autre côté de la table des corsets qui sont terminés, qui sont des corsets qui m'ont été ramenés par une de mes clientes qui a pris du poids et qui m'a demandé en fait de pouvoir continuer à les porter. Donc du coup, elle m'a rapporté les trois corsets que je lui avais faits sur plusieurs années, et je vais simplement agrandir l'espace entre les deux lassages qu'on appelle la sous-patte, d'accord, l'espace du dos ou la modestie, et je vais agrandir un peu cet espace-là pour lui permettre de les reporter en fait. Et puis on a quelques outils autour. Vous utilisez quoi d'ailleurs pour faire un corset par exemple ? Pour le corset lui-même, évidemment, la pièce à laquelle on pense, c'est la presse à œillets. Ça ressemble à quoi, une presse à œillets ? Alors, il y en a chez les cordonniers. C'est une pièce en métal, en fait, avec un levier qu'on tourne et qui permet d'abaisser, en fait, la manivelle et donc de faire des trous. C'est le bruit qu'on entend là, hein. C'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. En dehors de ça, évidemment, j'ai plusieurs ciseaux, j'ai des règles, j'ai des perroquets. Des perroquets, c'est-à-dire ? Je vais vous montrer le perroquet. Donc c'est une règle en alu-glace. C'est un plastique rigide qui en fait est courbe. Il y a plusieurs courbes intérieures et extérieures. Et ça permet tout simplement de tracer les courbes d'un vêtement. En fonction des vêtements qu'on veut faire, et ben en fait on va tracer en suivant en fait la forme qu'on souhaite avoir. On se sert de cet outil pour délimiter les formes dont on a besoin. D'accord. Donc j'ai aussi également bien sûr des règles. On en a beaucoup besoin en fait. J'ai des épingles. Oui. Donc ça, les épingles, c'est très utile. On les utilise tout le temps. J'ai une roulette qui est en fait une roulette avec des petits picots. Ça permet de recopier un patron, c'est-à-dire en fait un patron c'est comme un plan d'architecture du vêtement, hein, en deux dimensions. Donc ça permet de recopier le patron d'une surface sur une autre, d'accord, par exemple sur un tissu ou sur une autre surface. Oui. Donc la roulette est un très bon ami. Évidemment des maîtres rubans, oui. Donc pour mesurer, donc j'en ai toujours plusieurs, des mètres de long, j'ai des perles, parce que récemment j'ai travaillé... Vous bordez un petit peu ? Oui, ouais, ouais. J'ai travaillé récemment en fait sur, sur un corset perlé, donc voilà, je les ai encore sur ma table de travail, j'ai des perles. Et puis j'ai du scotch, des cahiers... Des crayons de papier. Des crayons de papier, des craies pour tracer. Et puis, à côté, tout mon matériel pour les baleines, qui sont donc en métal. Oui. Elles sont rangées dans mon armoire. Et puis, qu'on insère. Voilà, qu'on insère, en fait, dans le corset et qu'il faut couper à chaque fois aux bonnes dimensions. Donc, j'ai des pinces, enfin, des trucs qui ressemblent plus à des ateliers de... Je vais dire de garçon, mais ça ne veut pas dire que les filles n'ont pas forcément de pinces. Mais voilà, des outils, vraiment. Oui. Il faut des pinces, il faut limer. J'ai une lime, une lime à métaux, des pinces. Pas encore d'atelier de soudure, mais presque. Oui, ça pourrait, hein, on pourrait souder. On pourrait faire un corset tout en métal et souder tout. C'est possible. Comment voyez-vous la corsetterie dans 10 ou 20 ans ? Elle évolue assez régulièrement depuis les années 90. Où des grands créateurs de mode comme Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Vivienne Westwood ont réintégré le corset comme vêtement de dessus dans la haute couture. Et on se rend compte que les femmes de la rue, entre guillemets, c'est-à-dire pas celles qui portent exclusivement de la haute couture, mais les femmes comme vous et moi, se mettent à en porter occasionnellement et de plus en plus. Donc je pense que il va continuer à suivre son bonhomme de chemin et à évoluer et à sans doute un jour à redisparaître et peut-être un jour à revenir. Je pense que c'est souvent le cas. Quelles qualités faut-il avoir pour exercer ce métier ? Il est évident qu'il faut de la maîtrise technique parce que c'est très précis. Donc ça demande de la précision. Ça demande de la patience, ça demande de la concentration et puis un bagage technique de couture, de coupe, de patronage quand même important et au moins une grande curiosité pour les acquérir si on ne les a pas, c'est-à-dire soit de les acquérir, soit de chercher à se former. Ouais. Je pense que malgré tout, c'est indispensable d'avoir une bonne maîtrise du corps. Une bonne compréhension du corps parce que le vêtement implique d'être très près du corps. Il faut pouvoir bouger, il faut pouvoir respirer. Donc c'est important d'avoir au moins la sensibilité du corps. Mmh. Qui dit corsetier dit entreprise, qui dit entreprise dit économie. Ça sous-entend quand même d'avoir les compétences d'être à son compte, d'être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est pas toujours simple. Il faut des compétences, il faut aimer travailler seul. Il faut être indépendant, avoir une énergie de création et de se remettre en question, d'avancer, voilà. Donc être entrepreneur, c'est quand même des qualités en soi. Et je pense quand même beaucoup de créativité. Est-ce que vous avez des nouveaux projets à venir ? Oui, j'en ai beaucoup. Je suis en train de reconstruire complètement mon site internet que j'ai créé à l'origine quand j'ai monté l'atelier il y a 5 ans. Oui. Je pense que ce sera finalisé dans les prochains mois. Je donne depuis le début d'année des cours de stylisme modélisme à la Fac des Arts de Strasbourg. D'accord. Et donc l'année prochaine, je vais avoir plus de cours puisque je vais avoir plus d'élèves, plus de donc je vais développer cette partie-là de mon activité. Puis j'explore de plus en plus la partie art plastique de mon travail en faisant des expositions thématiques comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour terminer, citez-nous trois créations préférées. Vos trois créations préférées, ce serait quoi ? Alors, j'ai un vrai faible pour un corset que j'ai créé qui s'appelle le corset feu. Oui. J'ai travaillé sur les thèmes des éléments et j'ai réalisé un corset sur le thème du feu et son petit frère sur le thème de l'eau. Et celui qui est sur le thème de l'eau est très symboliquement important pour moi parce que je l'ai réalisé avec une de mes stagiaires qui était venue dans sa formation des diplômes des métiers d'art costumier réalisateur. Elle a passé un mois de stage chez moi et on l'a réalisé ensemble. C'était une vraie rencontre humaine et donc ça a donné un très beau résultat dont je suis très contente. Il y a un corset que j'ai réalisé pour une de mes clientes que j'adore, qui est rebrodé de dentelles chantilly et de cristaux de Swarovski et qui lui va à merveille et c'est une pièce que j'adore. Une troisième création, ça peut être un corset ou autre chose ? Ça va être une robe qui est derrière moi, que je vais vous décrire, qui est un costume de scène qui a été réalisé en organza de soie rose pâle, qui est entièrement rebrodé au niveau du cœur, de sequins, de cristaux qui reflètent énormément la lumière et qui a été créé pour un costume de scène, pour un spectacle qui a été monté pour la première fois. Donc c'était vraiment l'occasion de faire des costumes pour la première fois pour un projet et qui m'a beaucoup touchée en fait. Merci beaucoup, merci à vous. Ben, je vous en prie, merci d'être venu. On retrouvera toutes vos créations dont vous avez parlé à l'instant sur la page Facebook de Main de Maître, ainsi que votre site internet sur la page de Main de Maître. Toutes les informations sur la formation, les débouchés pour devenir corsetier ou corsetière. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Le mois prochain, j'irai à la rencontre de Xavier Noël, d'horreur ornemaniste installé à Strasbourg. À bientôt.